chaque jour à la même occasion le rendez-vous de souvenirs des familles et des personnes liées à la lutte révolutionnaire anti-japonaise s'est déroulé le 6 juillet à l'ambassade coréenne en Chine en présence d'un combattant anti-japonais en Chine et des familles et des personnes chinoises liées à la lutte révolutionnaire anti-japonaise, de l'ambassadeur coréen en Chine et ses collaborateurs.